pour éviter de recevoir son père, Wigan se rend avec Cornouaille et son mari au château de Gloucester. Avant leur arrivée, Edmond pousse son frère Edgar à fuir et se blesse lui-même au bras. Entre Gloucester, suivi de serviteurs portant des torches. « Eh bien, Edmond, où est le scélérat ?» Il était ici dans les ténèbres, agitant la pointe de son épée, marmonnant de coupables incantations et adjurant la lune d'être sa patronne tutélaire. « Mais où est-il »« Voyez, monsieur, je saigne. Où est le scélérat, Edmond ?» Enfui de ce côté, quand il a reconnu que par aucun moyen. « Qu'on le poursuive ! Hola ! Courez, Lucius !» Les serviteurs sortent. « Que par aucun moyen ? Il ne pouvait me décider à l'assassinat de votre seigneurie. Que je lui parlais des dieux vengeurs qui dirigent tout leur tonnerre contre les parricides et des liens multiples et puissants qui attachent l'enfant au père. Enfin, monsieur, dès qu'il a vu mon invincible horreur pour son projet dénaturé, dans un mouvement sauvage, il s'était lancé, l'épée nue, sur ma personne découverte et m'a percé le bras. Mais, voyant que mon énergie alerte, hardie par le bon droit, s'animait à la riposte, ou effrayé peut-être par le bruit que je faisais, il s'est enfui soudain. Qu'il fuit à sa guise, il n'échappera pas aux poursuites en ce pays. Et une fois pris, expédié. Le noble duc, mon maître, mon digne chef et patron, arrive ce soir. De par son autorité, je ferai proclamer que ma reconnaissance attend quiconque découvrira le lâche assassin et le livrera à l'échafaud. Quiconque le cachera à mort. Quand, en dépit de mes avis, je le trouvais inébranlable dans sa résolution, père, je l'ai, dans les termes les plus véhéments, menacé de tout découvrir. Il m'a répondu « Bâtard déshérité, crois-tu que si je te donnais un démenti, l'ascendant de ta loyauté, de ta vertu ou de ton mérite suffirait à donner créance à tes paroles ?» Non, avec une simple dénégation, je nierai la chose. Quand tu produirais ma propre écriture, j'imputerai tout à tes suggestions, à tes complots, à tes derniers artifices. Il faudrait que le monde entier fût à dupe pour ne pas s'apercevoir que les profits espérés de ma mort sont les stimulants énergiques et puissants qui te la font chercher. Raréfié fait scélérat. Il nierait donc sa lettre. Il n'est pas né de moi. Fanfare. Écoutons, les trompettes du duc. Je ne sais pourquoi il vient. Je ferai fermer tous les ports. Le misérable n'échappera pas. Il faut que le duc m'accorde cela. En outre, je veux envoyer partout son signalement, afin que le royaume entier puisse le reconnaître. Et quant à ma succession, ô mon loyal, mon véritable enfant, je trouverai moyen de te la rendre accessible. »